est passée un vendredi. Elle m'a dit je veux plus te voir, je veux t'effacer de ma vie, je veux t'effacer de ma mémoire. Comme un vieux logiciel pour moi, j'ai eu tellement de mal à y croire que j'en pleure encore aujourd'hui. Si je crois bien que c'est bien fini, non, non, non, il n'y a plus de sens à ma vie. Elle ne sera plus dans mon lit. Non, non, non, je n'y crois pas encore aujourd'hui. Partir à zéro, elle dit qu'on n'a plus rien à dire, qu'on échange à peine quelques mots. Elle a décidé de partir, elle m'a foutu de bout à bout. Attends un peu que je reste, j'en ai perdu quelques kilos. Pour mieux dormir, parce que si je reviens, c'est bien fini.